Novembre, c'est le mois des spéciaux chez Dolbo Auto. Le Colorado 2019 cabine multiple 0% 72 mois plus 1250 en crédit de financement. Ou encore, le Silverado 1500 2019 0% 72 mois plus 7000 en valeur totale. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, 276-0580. Toute l'équipe de Dolbo Auto vous rappelle l'importance d'acheter local pour protéger nos emplois. On va parler de l'actualité dans le baseball cette semaine. On va parler avec Bruno Boudreau. Salut Bruno. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Bruno, si on parlait d'abord, les Astros de Houston, j'ai pas trop suivi ce dossier-là parce que moi, c'est pas des nouvelles qui m'excitent bien. Mais semble-t-il qu'il aurait volé des signaux en 2017 puis que ça aurait donné une série mondiale. Ben en fait, là, c'est l'effet ultime de cette nouvelle-là, c'est de que les gens fassent association par rapport à ça. En gros, ce qui se passe, puis c'est là l'investigation commence, puis c'est vraiment un dossier qui va être à surveiller dans l'entre-saison, c'est, dans le fond, les Astros auraient filmé des sillons pendant le match et relayé l'information dans la cabane, et dans la cabane, les joueurs frappaient sur des bacs à poubelles quand c'était des balles, des changements de vitesse ou des balles à effet. Okay. Donc, le frappeur au bâton pouvait entendre des sons en provenance de l'abri qui lui indiquaient qu'est-ce qui s'en venait dans le choix de lancer. Il n'y avait pas exactement le lancer précisément, mais il pouvait savoir que ce prochain tir serait une balle à effet. Évidemment, il y a beaucoup d'aspects à cette nouvelle-là. Il y a une enquête, évidemment, qui est là. Puis, tu sais, c'est pas la première fois qu'il y a ça. Là, ça va. Il y a des exemples cette semaine jusqu'aux années 50. Puis, tu sais, je veux pas faire de parallèle avec le football. Il a fait des pattes. Je parle des pattes. Je pense qu'il a fait des pattes, dans le fond. Exactement. Dans le fond, c'est pas la première fois qu'on voit des choses. Puis, tu sais, au baseball, on le sait, hein, Dan, tous les joueurs veulent gagner un avantage. Puis, quand ça se fait à l'intérieur des règles du terrain, tu sais, si l'autre équipe a décodé tes sillons, c'est ton problème, change tes sillons. Tu sais, le lanceur, vas-tu parler plus fort? Des fois, t'entends-tu quelque chose que t'aurais pas dû entendre? Ça, là, ça fait partie de la game. Mm. Mais quand tu commences à avoir du monde qui espionne le match, puis qui te relaie de l'information, qui t'aide à gagner un avantage compétitif, là, il y a un problème. Puis dans le fond, c'est Mike Fears qui faisait partie des Astros en 2017, qui est maintenant avec les A's d'Oakland, qui a parlé de ça, puis qui a dit à The Athletic, dans le fond, que ce stratagème-là était en place. Et puis là, ben ça va évidemment déclencher une enquête, puis c'est pas la seule équipe, les Astros, depuis que ça s'est annoncé, il y a les Red Sox, il y a d'autres équipes aussi qui seraient dans la mire, là, pas pour dire nécessairement qu'eux, ils font, mais ils vont être enquêtés aussi pour voir soit qu'ils ont été témoins de choses ou qu'il y aurait d'autres éléments douteux qui auraient été observés dans d'autres organisations. Fait que en fait, je suis d'accord avec ce que tu as dit au début, c'est pas des belles histoires, il n'y a rien de bon là-dedans pour le baseball, là, c'est des éléments négatifs, mais moi, ce qui m'a frappé avec cette histoire-là, c'est encore les Astros. Tu sais, les Astros, autant que c'est une équipe, puis tu le sais, on en a parlé souvent, c'est une équipe que je trouve qui est bien construite, c'est une équipe que j'aime dans le talent sur le terrain, mais autant en dehors du terrain, ça commence à faire dur. On a sauté sur Roberto Osuna quand il est devenu libre, alors qu'il avait son histoire de violence conjugale. On a vu, avant la Série mondiale, l'assistant au directeur général qui a invectivé une journaliste féminine à ce sujet-là. Il a été congédié juste avant la Série mondiale. On a vu aussi Gurriel, leur joueur de premier but, qui a fait des mentions racistes à l'endroit de Yu Darvish à la Série mondiale 2017. Là, il y a ce dossier-là où on aurait volé des signaux. Il y a toutes sortes de choses qui entourent l'équipe. Fait que il n'y a pas une bonne vibe qui entoure l'équipe. Puis ultimement, s'ils volent des signaux, ben vraisemblablement, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils ont perdu leurs 4 matchs à domicile dans la Série mondiale. Je ne sais pas si ça avait été démasqué avant ou non. Mais bref, c'est le dossier qui va faire jaser dans l'entre-saison parce que c'est une autre tuile. Là. Ça a mal commencé avant la Série mondiale avec le dossier Osuna, le congédiement de l'assistant directeur général. Ils ont perdu la Série mondiale et là, en plus, on remet en cause leur dynastie parce que ça ait fonctionné ou pas, ou que ça leur a donné un avantage ou pas. Pour bien des gens, maintenant, les Astros sont identifiés comme des tricheurs, un peu comme les Patriots. Enfin, je ne veux pas faire de faux parallèles, mais ça, c'est une tâche qui reste, qui est dure à enlever après, même si tu te rends compte que finalement, ce n'était pas si pire que ça ou que pour plusieurs experts, ça ne leur donnait pas un si grand avantage que ça. Ça n'en reste pas moins qu'ils ont quand même fait quelque chose qui va à l'encontre des règles. Je ne m'attends pas à grand-chose, par exemple. Du côté. En fait, tu ne penses pas qu'on va apprendre grand-chose. Non, mais je veux dire du côté Des pénalités, là, de l'enquête. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Non, puis je disais, entre autres, Buster O'Neill du côté d'ESPN, là, qui disait de justement, de ne pas trop s'attendre à d'éléments là-dessus parce que, justement, tu sais, si on se rend compte que c'est pas du côté du baseball, que c'est pas si pire que ça, puis que tout le monde à l'intérieur là, sont là-dedans, là, mais si c'est... par contre, on a demandé aux Astros de faire leur propre investigation. Si jamais là, ça ne fait pas l'affaire et que les autres propriétaires mettent de la pression, c'est là où ça pourrait faire bouger. Et puis ça va être ça qui va être intéressant à suivre. Est-ce qu'on va arrêter juste avec le minimum, puis on va dire OK, c'est beau, on passe l'éponge, puis il y a une petite pénalité. Ou bien si jamais on voit que c'est plus grave que ça, puis qu'on va aller plus loin, ben c'est parce que tu sais, plus tu grattes, plus ça va entacher le baseball. Fait, c'est quoi l'avantage au baseball à donner une pénalité de 3-4 millions à une organisation, des choix de repêchage, puis d'exposer ce qu'ils font? Si jamais ça entache plus d'un autre côté. Fait que c'est tout ça là, que doit jauger là, le baseball majeur. Mais le problème est vraiment aussi que l'histoire de Fear, puis où est-ce que ça fait vraiment un gros sujet, c'est que lui a dit qu'il faisait ça en 2017, puis ils ont gagné en 2017. Ça, c'est vraiment problématique parce que tu peux associer la tricherie à la victoire. Puis ça, c'est jamais bon pour un sport. Ouais. Bruno, le marché des joueurs autonomes est ouvert et il y a eu un premier joueur qui a signé hier, Will Smith, qui a signé avec les Braves d'Atlanta. Écoute, les Braves qui cognent quand même un grand coup parce que Smith a sauvé 6 victoires, aucune défaite, 34 sauvetages. Et c'était le point faible des Braves. Ben, en fin de saison, ils sont allés chez le releveur des Tigers d'Étoile, dont on m'échappe. Shane Green, puis Mark Manasson également. Sauf que ça a été pendant un bon bout de temps, durant la saison, le point faible des Braves. Et là, finalement, on en a frappé un grand coup. Et là, il y a des rumeurs. Là, j'arrive avec les Blue Jays, finalement. Des rumeurs qui circulent. Yasmani Grandal, le receveur, intéresserait les Blue Jays. Il y aurait eu une rencontre même de ça. Moi, je trouve pas. C'est quoi le. Je trouve pas que Grandal avec les Blue Jays, c'est pas le pire des problèmes. C'est sûr que Jansen, tu regardes sa moyenne, c'était pas extraordinaire, mais défensivement, il faisait la job. Toi, comment tu vois ça, l'arrivée de Grandal? C'est sûr qu'il n'est pas arrivé encore, parce qu'il est courtier par plusieurs équipes. Mais moi, tu sais, je sais pas. On est bien mieux de mettre l'argent sur les lanceurs. Ben, je suis un peu d'accord avec toi, puis tu sais, c'est une acquisition, je dirais, de qui vient pas nécessairement combler un besoin. C'est un peu non. Ça, je suis un peu d'accord mettons avec toi. Mettons qu'il y a des besoins plus grands. Oui, c'est ça. Puis Grandal, par contre, on s'en cachera pas, correspond peut-être à ce qu'on a comme moyen à Toronto aussi. Tu sais, il y a des bons lanceurs qui vont sur le marché, mais on peut pas s'attendre à ce que Gerrit Cole débarque à Toronto. Là. Donc, est-ce que c'est vers là qu'on va se diriger parce qu'on pense justement que c'est dans la cuvée actuelle peut-être le bon joueur? Puis est-ce que c'est le genre de joueur qui, avec un contrat de 2-3 ans ou 4 ans, pourrait, dans 2 ans, être un rouage important au travers d'un alignement qui serait mené par les Guerrero et compagnie? Je pense que ça pourrait faire du sens de ce côté-là. Il peut être frappeur désigné aussi. Je pense qu'il y a quand même un beau profil de joueur, le Grandal, mais je suis un peu d'accord que c'est pas nécessairement là qui est le besoin le plus criant pour les Blue Jays. Dans le cas de Will Smith, on a parlé de Shane Green, on a parlé aussi de l'acquisition de Marc Melançon, mais ça a été des points faibles des Braves dans les séries. C'est pas compliqué, là, si la relève avait tenu le coup contre les Cards, on aurait passé cette série-là, et qui sait, on a vu ce que les Nationals ont fait dès qu'ils ont réussi à gagner cette fameuse première série, parce qu'on dit souvent que les Nationals ils gagnent pas leur première série, mais les Braves, ça fait excessivement longtemps qu'ils ont pas passé la premier tour en série. Je pense que ça remonte aux années 90, si je ne me trompe pas. Donc, de s'avoir rendu en série de championnat aurait peut-être donné une chance aux Braves de peut-être même aller jusqu'au bout, qui sait. Alors, c'est correct qu'on n'ait pas perdu de temps parce que c'est un des endroits où on va devoir nettement s'améliorer. Pas que les Braves ne sont pas favoris pour remporter la division. Je pense que même si les Nationals ont gagné la série mondiale, les Braves restent favoris, à mon sens, pour gagner l'Est l'année prochaine. Mais dès le départ, on est aussi bien solidifié parce qu'on l'a vu, là, que c'est là que le bas blessé du côté d'Atlanta. Je reviens du côté des Blue Jays. Écoute, les noms qu'on voit, c'est que je peux passer, c'est Zach Wheeler, lanceur des Mets. T'as également Dallas Keuchel, qui moi, je le voyais bien avec les Blue Jays, Dallas Keuchel, le gaucher. Là. C'est beaucoup les Pineda avec les Tigers 3. C'est beaucoup le lanceur des Twins, mais c'était Orizzi, c'est ça? Oui, Jacob Orizzi, oui. Jacob Orizzi qui est courtisé également par les Blue Jays. Donc, c'est pas mal les noms qu'on entend parler. Oui. Puis, tu sais, dans le cas de Wheeler, c'est toujours la question, c'est le risque. C'est un lanceur qui peut vraiment être un lanceur excessivement dominant, mais c'est un lanceur aussi qui n'est pas nécessairement constant. Pour un prix là, qui est projeté actuellement, on parle de 5 ans et 100 millions de dollars qu'il serait à la recherche de. Puis si on revient à ce qu'on a dit tantôt, est-ce que c'est un investissement que les Blue Jays sont prêts à faire? Tu sais, à ce montant-là, pour une équipe comme Toronto, ça te prend un partant qui est un numéro 2, je dirais, établi. Ce que je suis pas sûr que Wheeler peut te donner, par contre, s'il vire, entre guillemets, du bon côté, ça pourrait être un lanceur qui se positionne comme un très bon numéro 2. Fait que c'est un risque. Et quand on connaît la façon avec laquelle on gère le budget présentement du côté des Blue Jays, ça serait surprenant qu'on veuille s'étirer jusqu'à ces montants-là, je pense, pour un gars comme Wheeler. Pas que ce serait pas un bon lanceur, là, on se comprend bien, mais je suis pas certain que du côté de Toronto, on sera prêt à aller jusqu'aux demandes du clan de Wheeler. Dans les gros joueurs, c'est Garrett Cole, c'est Anthony Rendon, c'est Steven Strasburg. Tu t'attends-tu que ça va être court? T'attends-tu que ça va être signé avant les fêtes? Parce que c'est souvent ça, là. Par le passé, tu sais, ça a été même après les fêtes. J'ai hâte de voir si ça va être long. Ben, en fait, moi, je pense qu'il y a toujours un effet domino. Hein, l'année passée, on l'a vu, là, quand les contrats ont commencé à tomber. Il y a même Mike Trout qui a signé son extension l'an passé là, de 10 ans et de 400 quelques millions. Dès que le contrat de Bryce Harper est arrivé, on a vu Manny Machado aussi. Tout a comme débloqué beaucoup plus tard dans l'entre-saison. Par contre, au niveau des lanceurs, d'après moi, il y a des choses qui vont se régler là, aux assises. Là. Ça ne me surprendra pas qu'on voit des nouvelles. Là. Dans le cas de Cole, là, c'est surtout les gros marchés. On parle des Dodgers, on parle des Yankees. Puis on parle d'un gros contrat. Puis dans les équipes là, probables, là, c'est beaucoup de ce côté-là. Puis un nom aussi qu'on n'a pas beaucoup parlé, parce que tantôt on a parlé des Braves, là, mais c'est Madison Bumgarner. Il y a beaucoup d'analystes qui l'envoient du côté d'Atlanta. Puis je pense qu'un bon changement d'air, ça lui ferait du bien. Là. Il a peut-être été moins dominant dans les dernières saisons. Fait qu'on ça serait intéressant à surveiller. Fait que ces gros noms-là, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont bouger d'ici, disons, les assises? Probablement pas. Moi, je m'attends peut-être à un qui ait un mouvement. Mais sinon, ça ne me surprendrait pas qu'on revive peut-être ce qu'on a vécu l'année passée, c'est-à-dire qu'il y aura une grosse signature qui va faire tomber le domino pour la suite. Et le top de la pyramide, c'est Cole. C'est vraiment lui qui est le plus en demande, là, je dirais, presque à égalité avec Strasburg. Ce qui fait peut-être hésiter un peu plus les gens avec Strasburg, ça reste quand même son historique de blessure. Il a 31 ans aussi, il a 2 ans de plus, puis il a tout son historique qu'on se souvient. Mais il a quand même eu plusieurs saisons en santé récemment, donc... Je pense que ça le place dans le top 3. Avec Rendon, c'est clairement les trois joueurs les plus demandés. OK. Bruno, j'étais en train d'oublier ce que tu voulais parler. Il y avait les honneurs individuels cette semaine dans le baseball. Oui. Et il n'y a pas eu vraiment de surprise. Ce qui concerne les joueurs de par excellence, c'était Mike Trout, Cody Bellinger. Du côté des recrues de l'année, c'était Alonso avec Alvarez, avec Houston. Ça non plus, c'est pas une surprise. En fait, c'est peut-être le plus controversé, c'est peut-être le gérant des Twins qui a remporté devant Aaron Boone. Vraiment? Ouais, écoute, c'est ce que j'allais dire. En fait, les gérants de l'année, puis ça, c'est un sujet qui revient à... On parlait tantôt des Patriots, tu connais mon amour des Patriots. Moi, je l'aime beaucoup. Je suis quand même capable de reconnaître que Bill Belichick, c'est probablement un des plus grands, sinon le plus grand entraîneur de l'histoire de la Ligue. Les gens de l'histoire de la Ligue, de tous sports confondus. Ah oui, on oublie souvent que Belichick a gagné des Super Bowls avec les Giants comme commandant défensif. C'est pas juste les Patriots. Là. Bill Belichick, c'est 25-30 ans là, de présence dans des équipes gagnantes. Puis... Mais il n'est jamais nommé dans les entraîneurs de l'année. C'est un peu le problème qu'on voit. T'sais, cette année, pas de danger de voir un AJ Hinch avec une nomination parce que son équipe était comme prévue d'être bonne. Et c'est un peu, je pense, qui a coûté à Aaron Boone le titre de gérant de l'année. Mais s'il y avait une année où Boone l'aurait mérité cette année, n'importe qui a suivi le baseball a vu les blessures que les Yankees ont fait face tout le long de la saison. Pour moi, c'était, dans mon esprit, Aaron Boone méritait là-dessus. Mais bon, Rocco Baldelli, la belle histoire. Il n'a pas fait une mauvaise job non plus, Baldelli. Ben non, c'est ça. Puis c'est la même chose pour Mike Shield à la Nationale. Il n'y a personne qui dit que Mike Shield n'a pas fait un bon travail avec les Cards de Saint-Louis. Mais en même temps, pourquoi qu'un gars comme Dave Martinez, alors que son équipe a parti vraiment complètement tout croche, il a redressé la vapeur. Les séries comptent pas dans le vote, mais ça reste que même d'avoir emmené les Nationals dans le wild card avec le début de saison horrible que l'équipe a vécu avec les blessures, tout ça, j'aurais pensé qu'il aurait été, il était même pas des finalistes, j'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de considération. Fait que, c'est pas que c'est des bons choix ou des mauvais choix, mais j'ai vraiment surpris, je pensais que Boone allait l'emporter. Puis sinon, les autres que tu as mentionnés, ben, les recrues de l'année, ça a été presque unanime. Les Cy Young, ça a été presque unanime aussi. Puis dans le cas de dans la nationale, dans l'américaine, c'était très serré entre Verlander puis Cole. Puis je pense que tu te trompes pas d'une façon ou d'une autre dans les deux. C'est vraiment un coin flip. Puis pour ce qui est des joueurs par excellence, ben il y a jamais personne de content là, cette semaine. Je disais plusieurs experts qui disaient ben ça aurait dû être Bregman parce que le MVP il fait amener son équipe en série. D'autres personnes vont dire non c'est Trout parce que c'est le meilleur joueur du baseball. C'est le même débat qu'on avait avec Barry Bonds, c'est le même débat qu'on avait avec Peyton Manning, Tom Brady. C'est un débat qui finira jamais. Dans le fond, c'est la définition d'un MVP est différente d'une personne à l'autre. Pour moi, Mike Trout, ça a été le meilleur joueur de la Ligue américaine cette année, mieux que Bregman. Dans le cas de Bellinger, pour moi, c'était clairement le meilleur de la nationale. Fait que je trouve que ce choix est bon, mais Christian Yelich ou Anthony Rendon auraient été d'aussi bons choix. Mais dans le cas de Trout, c'est qu'on va dire surtout, ben, tu sais, Yelich, Rendon et Bellinger, leurs équipes ont fait des séries. Dans l'américaine, Bregman, Seaman avec Oakland et ont fait des séries. Et Trout qui a gagné, lui, l'a pas fait. Mais en même temps, Barry Bonds faisait rarement les séries, mais c'était clairement le meilleur joueur. Marcel Dion n'a pas de coupe cette année. C'est un long débat. Ouais. Philosophique qui se ramène à chaque année, mais pour moi, il n'y avait pas de surprise là. Trout et Bellinger, pour moi, étaient favoris, puis c'est logique qu'il y a gagné de joueurs par exemple. Bruno, on s'en reparle dans 15 jours. Il risque d'avoir des nouvelles tombées chez les Blue Jays. On s'en reparle dans 15 jours. Merci, Dan. T'as mis Bruno Boudreau.